Bienvenue à Playback, une capsule à voyager dans le temps qui vous retourne vers la décennie 80. Aujourd'hui, en cet épisode 4, saison 2, le spécial 40 ans, le meilleur de 1980. Et oui, 40 ans déjà, et on souligne ça avec une petite fête de fin d'année à la Playback, en levant nos verres à notre santé et en faisant nos bye-bye à 2020. Toujours en nostalgie et en concept Playback 80, nous ferons un petit clin d'œil au passé, cette fois-ci à l'année 1980. Avec votre animateur, Pat Moore, on n'entendra que des succès soit par des classiques qui sont sortis de cette année-là, ou soit des chansons qui étaient les hits de l'heure et au sommet des palmarès en 1980. Alors, c'est le temps de déposer votre TV hebdo. On ferme la TV, car ce soir, on écoute la radio. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. I met your children. Oh, oh, oh. What did you tell?

don't say it's true. They got a message from the Action Man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love, so the details fall away. The shrieking of nothing is killing, just pictures of chap girls in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick but the planet is glowing. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting at all time low. Messieurs, bonsoir et bienvenue à Playback Radio 80 avec le spécial 40 ans, le meilleur de 1980. 40 ans déjà qui se terminent et cette année maudite 2020 qui se termine aussi. Alors, portons un toast. Vous serez parfois étonné d'apprendre que certaines de ces chansons ont déjà 40 ans, car plusieurs d'entre elles sont encore très pertinentes et très écoutées même de nos jours. Et comme j'ai mentionné en introduction, on entendra des chansons qui étaient les hits de l'heure en 1980 ou des chansons classiques du répertoire pop-rock qui sont sorties tout droit de cette année charnière. Puisque bien évidemment, on sortait des années 70 pour se lancer dans cette toute nouvelle décennie légendaire. Beaucoup de changements dans l'air en 1980, surtout sur le plan politique. On se rappelle bien évidemment du fameux premier référendum au Québec avec notre premier ministre à l'époque, René Lévesque, qui menait cette grande aventure et qui s'était malheureusement terminée sur cette triste note. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Chez nos voisins du Sud, c'est le Parti républicain qui reprenait pouvoir après 4 années sous le Parti démocratique mené par le président Jimmy Carter. Et c'est Ronald Reagan qui est élu en novembre 1980 et qui est resté au pouvoir pendant presque toute la décennie. Musicalement, en 1980, il restait encore quelques miettes des années 70. Les influences du disco étaient encore un peu apparentes, mais c'était sur le point de disparaître. 1980 était littéralement que le début d'une décennie très éclatée. Et à Playback, on n'entendra qu'une partie de ce qui se faisait sur le plan musical. Et je répète, aujourd'hui, on n'entendra que les hits de cette année importante. Et justement, parlons de ce premier bloc à saveur New Wave qui a débuté avec une chanson très iconique et je n'ai pas ouvert l'émission pour rien avec Video Killed the Radio Star de la formation The Buggles. Je dis iconique puisque le titre était très révélateur ou annonciateur de ce qui allait devenir, puisque l'ère du vidéoclip était encore à son stade prépubère, si on peut dire. Cette ère allait grandir à un rythme fou au cours de la décennie même. L'art du vidéoclip allait prendre beaucoup de place dans l'industrie du disque. Donc, Video Killed the Radio Star disait tout dans son titre. Et justement, le vidéoclip de cette pièce allait être le tout premier vidéoclip officiel à ouvrir la chaîne de télé MTV. Music Television aux États-Unis et MTV est né le 1er août 1981. Video Killed the Radio Star par The Buggles a reçu un énorme succès, une chanson qui a atteint le numéro 1 dans une quinzaine de pays et cette pièce est considérée par plusieurs comme le début de l'ère synth-pop. La deuxième chanson qu'on a entendue était Pop Music de la formation M, tirée de leur premier album New York, London, Paris, Munich. La pièce étant lancée en 1979, a réussi à se tailler la première place des palmarès dans une dizaine de pays, dont le Canada et les États-Unis en 1980. Par la suite, on a écouté la pièce intitulée Cars du Britannique Gary Numan, extrait de son premier album solo intitulé Pleasure Principle de 1979. Un album incontournable du mouvement New Wave, et cette pièce sortie en août 1979 s'est vite taillée la première place du palmarès britannique et a fini par se mériter la première place du palmarès canadien en 1980. Une chanson qui a été plus ou moins inspirée par une histoire de rage au volant que Newman avait connue auparavant. Et pour une chanson qui a eu autant de succès commercial et qui est devenue un classique, c'est une pièce plutôt étrange, basée principalement sur des sonorités de synthétiseurs analogiques et composée de façon plutôt non orthodoxe. Et remarquez que la chanson n'a aucun refrain et après 1 minute 30, la pièce est carrément une instrumentale. C'est pas aujourd'hui qu'on entendra ça à la radio. Et pour terminer ce bloc New Wave, on a entendu un icône qui savait si bien valser à travers toutes sortes de courants musicaux. Et je parle bien de David Bowie avec un de ses nombreux classiques, la pièce Ashes to Ashes. Premier extrait de son 14e album Scary Monsters and Super Creeps, sorti en août 1980. Et dans Ashes to Ashes, nous entendons une pièce comme Bowie savait si bien faire en réussissant à créer une chanson pop-rock, mais avec une ligne rythmique quelque peu funky, mais tout en conservant un ensemble ou une ambiance new wave, et je dirais même une vibe un peu funeste. On se rappelle du vidéoclip qui en 1980 était considéré très innovateur et conserve toujours un aspect très artistique et new romantic. Et on retourne en musique et je vous mets un petit bloc plus disco comme dans tout bon party de fin d'année. Question de faire lever ça un peu. Et c'est reparti avec la formation Lips. Et oui, vous l'avez reconnu, Funky Town sur Playback. Thank you.

turn me inside out and round and round. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moments with you. Respectfully I say to thee, I'm aware that you're cheating when no one makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. I know you got charm and appeal, you always play the field. I'm crazy to think you're all mine. Écoute de Playback Radio 80 au spécial 40 ans, le meilleur de 1980. Et on vient tout juste d'entendre un extrait sonore d'un des plus grands films de l'histoire, certainement le plus gros film de 1980. Une des fameuses phrases des plus inoubliables de l'histoire du cinéma, cette révélation de Darth Vader envers Luke Skywalker. Une petite morceuse sonore de The Empire Strikes Back, version originale de L'Empire Contre-Attaque, le deuxième film de l'histoire et de la saga Star Wars. Et c'est en 1980 que plusieurs classiques du cinéma ont été lancés. Je vous donne quelques titres. Superman 2, Flash Gordon, Raging Bull, The Blues Brothers et The Shining. Here's Johnny! Le dernier bloc à saveur disco a commencé avec Lips et la chanson Funky Town, tirée de leur album Mouth to Mouth, sorti à la fin 1979. Et comme j'ai dit en début d'émission, la grosse mode du disco des années 70 tirait à sa fin. Mais en 1980, cette chanson indéniablement disco s'est hissée au sommet des palmarès dans une douzaine de pays. Aux États-Unis seulement, la pièce avait gardé sa position numéro 1 pendant un mois. Une chanson qu'on entend facilement encore de nos jours et on s'en sert durant les parties de fin d'année, les parties de famille ou les mariages. La deuxième pièce était de l'artiste américain George Benson, un guitariste jazz qui avait travaillé avec des noms comme Miles Davis, un compositeur, interprète et aussi tout un patineur à roulettes si on regarde le vidéoclip de cette chanson. Une pièce intitulée « Give me the night » tirée de son 18e album du même nom. Et cette pièce a été le plus gros succès commercial dans sa carrière, en atteignant le top 10 dans une douzaine de pays. Une chanson écrite par un ancien membre du groupe Heatwave, Rod Temperton, et produite par le légendaire producteur jazz Quincy Jones. Et pour faire suite dans les idées, la troisième pièce était une autre pièce composée par Rod Temperton et produite par Quincy Jones, mais cette fois-ci pour un certain artiste dénommé Michael Jackson, avec un de ses nombreux classiques, la chanson Rock With You, une pièce qui, à partir de janvier 1980, a été numéro 1 aux États-Unis, et ça pendant un mois. Tiré de son cinquième album solo Off the Wall de 1979, et oui, son cinquième album solo et non son premier, puisque Michael avait déjà quatre albums solo à son actif lorsqu'il était sous l'emprise de la compagnie Motown Records. Mais Off the Wall est souvent considéré comme étant son premier album solo, puisque c'est avec cet album-là que Michael avait réussi à se sortir de son image de garçon ou d'ado en tant que membre et leader des Jackson 5. Off the Wall reste un album très important du répertoire Jackson, non seulement parce qu'il s'était vendu à 20 millions d'exemplaires ou que 4 extraits du même album avaient franchi le top 10 des palmarès, mais surtout parce que l'album représentait l'émancipation artistique de Jackson. C'est avec cet album qu'il a commencé à collaborer avec le producteur Quincy Jones, avec qui il allait produire la sainte trinité des albums pop de l'histoire, en commençant par Off the Wall, ensuite Thriller et pour terminer avec l'album Bad en 87. Bref, Off the Wall est à ce jour considéré par les critiques comme étant le meilleur album en carrière de Jackson. Il est arrivé 68e des 500 meilleurs albums de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone. Et pour faire encore suite dans les idées, j'ai terminé le bloc avec une artiste qui a été liée étroitement à Michael Jackson, une autre grande figure de l'ère Motown Records, et ex-membre et leader des Supremes, je parle bien entendu de Diana Ross. Et on a entendu la chanson Upside Down, une chanson qui avait atteint le sommet des palmarès américains et qui est restée pendant 4 semaines, tirée de son 11e album solo, tout simplement intitulé Diana. Juste avant la conception de cet album, Diana voulait une nouvelle approche. Elle voulait avoir un nouveau son, quelque chose de plus moderne. Donc, elle est allée chercher les services du musicien, producteur et compositeur Nile Rodgers, lui qui avait travaillé à l'époque avec la formation Chic. Vous savez, eux qui avaient fait la chanson « Freak Out ». Le freak, c'est chic. Freak out! Mais depuis, Nile Rodgers a travaillé avec un large inventaire d'artistes comme David Bowie, Madonna, Duran Duran, Daft Punk, Lady Gaga. En bref, l'album Diana est devenu le plus gros vendeur en carrière de Diana Ross. Bon, c'est le moment de dropper l'aiguille de nouveau et c'est reparti avec Billy Joel et la pièce Still Rock and Roll to Me. What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the Miracle Mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's a true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. Oh. really be a bold Brummel, baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new wave, dance crazy. Anyways, it's still rock and roll to me. Try to be a straight A student. If you all, then you think too much. Don't you know about the new fashion, honey? All you need are looks and a whole lot of money. It's the next phase, new wave, dance craze. Anyways, it's still rock and roll to me. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. Rescue, come to your emotional rescue. yes, you could be mine. Tonight and every night, I will be your knight in shining armor, coming to your emotional rescue. You will be mine, you will be mine, all mine. You will be mine, you will be mine, all mine. I will be your knight in shining armor, riding across the desert on a fine Arab charger. Leave them kids alone. barely down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. De retour avec votre animateur Pat Moore. On vient tout juste de terminer un bloc rock disco qui a commencé avec Billy Joel et Still Rock and Roll to Me, tiré de son 7e album Glass Houses, sorti en 1980. Un album qui s'était vendu à 7 millions d'exemplaires aux États-Unis seulement. Un des meilleurs vendeurs de 1980 aux États-Unis. Et l'album s'était mérité un Grammys l'année suivante aux Grammys de 1981. Et la chanson Still Rock and Roll to Me est la toute première chanson de Billy Joel à avoir atteint le numéro 1 des palmarès canadiens et américains. Et c'est une chanson qui raconte tout simplement que tu peux toujours rocker, peu importe le style de musique. La deuxième pièce était Emotional Rescue, de nul autre que les Rolling Stones, tirée de leur 17e album du même nom, sorti en juin 80. Cette chanson avait été composée un peu dans la même optique que leur hit précédent « Miss You » de leur album précédent « Some Girls » de 1978. Et selon les puristes des Stones, qui ont toujours préféré leur approche beaucoup plus rock pure, cette nouvelle direction pouvait être une déception. Mais personnellement, moi, en tant que petit kid, c'est avec ces pièces-là que je les ai découvertes et aussi « Start Me Up » l'année suivante en 81. Mais en partant, les Stones ont toujours eu beaucoup de soul et de groove dans leur rock qui était purement enraciné dans le blues. Donc, pourquoi pas apporter une touche plus funky ou même disco, en quelque sorte. Le fit était parfait, selon moi. On a ensuite écouté nul autre que Pink Floyd avec le gros hit de l'album The Wall, un album sorti en 1979 qui avait été numéro 1 dans 10 pays et qui a fracassé des ventes de 30 millions d'exemplaires depuis. La chanson qu'on a écoutée est bien évidemment Another Brick in the Wall. Cette pièce était faite en 3 parties sur l'album The Wall et lors de l'enregistrement de l'album, le producteur à l'époque, Bob Ezrin, avait suggéré de modifier des arrangements pour un feel un peu plus disco. Question d'avoir un peu plus de radio airplay. Et c'est la partie 2 de cette trilogie, en quelque sorte, qui avait été lancée à la radio comme extrait. Et la chanson Another Brick in the Wall Part 2 avait atteint le sommet des palmarès dans 14 pays durant 1980. Et en mars 80, la pièce avait atteint le numéro 1 au Canada et aux États-Unis et elle est restée là pendant un mois. Le seul numéro 1 des palmarès pop en carrière pour Pink Floyd. Et le 45 tours s'était vendu à 4 millions d'exemplaires. Qui n'a pas chanté cette chanson dans les cours ou corridors d'école? Depuis des générations et des générations, on l'entend chanter dans les cours d'école, entre autres. En tout cas, moi, j'étais de la première génération à avoir hurlé ce fameux refrain au primaire quand cette pièce était constamment à la radio. Et je peux vous dire que les profs en avaient plein de cul. Et pour la quatrième pièce, on a écouté le succès monstre, cette fois-ci du groupe Queen avec Another One Bites the Dust, tiré de leur 8e album intitulé The Game, un album sorti en mars 80 qui s'était vendu à 4 millions d'exemplaires aux États-Unis seulement, un album qui a été numéro 1 en Angleterre, Hollande, au Canada et aux États-Unis. Le 45 tours de Another One Bites the Dust s'était vendu à 7 millions d'exemplaires. Et la pièce est restée dans le top 10 du Billboard pendant 15 semaines. Cette chanson composée par le bassiste de Queen, John Deacon, avait été un peu inspirée par la chanson disco Good Times de la formation Chic. Je vous ai parlé d'eux justement un peu plus tôt. Bref, c'est Deacon qui jouait pratiquement tous les instruments sur cette légendaire track de Queen. Et ironiquement, le groupe était un peu hésitant par rapport à cette pièce-là. Il savait pas si elle avait tant de potentiel. Et c'est nul autre que Michael Jackson, qui était fan de Queen et ami avec Freddie Mercury à l'époque, qui a dit que cette chanson allait être un succès assuré. Another One Bites the Dust will be a number one. Et je me rappelle aussi que cette chanson avait fait partie d'une petite controverse parce qu'à l'époque, dans les années 80, il y avait cette espèce de règne de Satanic Panic et il y avait plusieurs formations ou artistes qui étaient accusés d'intégrer des messages subliminaux dans leurs disques. Donc, dans la chanson Another One Bites the Dust, si on tournait le disque à l'envers, on pouvait entendre clairement « It's fun to smoke marijuana ». Bon, c'est le temps de retourner en musique. Lâchez pas, gang, on a encore beaucoup de musique, beaucoup de matériel et encore plusieurs surprises. Donc, restez avec moi et on repart ça avec un bloc rock. She said, hey. Petite maison dans la prairie. Qui n'a pas écouté cette série-là? Personnellement, je n'étais pas fan du tout de cette émission-là, mais j'en connaissais plusieurs qui en étaient accros. En 1980, les émissions de télé populaires étaient Chips, The Dukes of Hazzard ou Sheriff Fais-moi peur, The Love Boat ou La Croisière s'amuse, Three's Company ou Vivre à trois, L'Incroyable Hulk et une série très populaire des années 80 mettant en vedette Tom Selleck a commencé en plein en 1980. La série Magnum P.I. Et au Canada, une série très très aimée était ceci. Il est une voix qui m'appelle et m'attire. Au fil des routes, je l'écoute et la suis. Quand je m'arrête, c'est pour me faire des amis. Je peux pas rester le temps d'un sourire, il faut partir. Il se peut qu'un beau jour je me repose enfin. Jusqu'à ce jour, je poursuis mon parcours. Et oui, Le Vagabond, série canadienne produite de 1979 à 1985, avec les aventures de ce berger allemand si intelligent. Et pour les séries produites ici au Québec, c'était Le Temps d'une paix, diffusé à Radio-Canada de 1980 à 1986. En ce qui concerne le dernier bloc qu'on a écouté, je vais faire un survol un peu plus rapide puisque j'ai encore beaucoup de musique et d'autres succès à vous passer. Donc, on a ouvert le bloc avec la formation Journey et la pièce Any Way You Want It, tirée de leur sixième album intitulé Departure, qui a été lancé en février 1980. Une chanson qui n'avait pas été un énorme hit à fracasser les palmarès, mais ça reste un des nombreux classiques du répertoire de Journey. La deuxième pièce était de AC/DC et leur classique You Shook Me All Night Long, qui a été lancé en single en 1980, extrait de leur 7e album, le légendaire Back in Black, le plus gros vendeur en carrière pour AC/DC. You Shook Me All Night Long avait fait le top 40 dans 6 pays, une pièce incontournable du répertoire du band, une pièce qu'on peut entendre très souvent de nos jours, autant que leur autre classique Thunderstruck, qui est sorti 11 ans plus tard. Par la suite, on a entendu le band metal Judas Priest et leur classique Living After Midnight, tiré de leur 6e album British Steel, qui avait été lancé en avril 1980. Et la 4e pièce était du band Foreigner et l'excellente Head Games, tirée de leur 3e album du même nom. Et la chanson Head Games est sortie à l'automne 79, mais elle est devenue un gros hit et en rotation radio en 1980. Elle avait atteint le top 20 du palmarès canadien et américain. Ne quittez surtout pas, gang, c'est loin d'être fini. Et c'est reparti avec Plastic Bertrand. Stop! J'ai 15 ans, où j'en suis? À la fin ou au début? Stop, stop, oh. Encore. J'passe le bac où j'deviens cloche. J'vais en fac ou au cinoche. J'prends la porte où je me supporte. Je fume du hash ou des gauloises. J'fais des gags ou des ardoises. J'viens dentiste ou bien artiste. J'quitte mes vieux ou j'reste chez eux. Reste comme ça ou je persévère. Stop, stop, encore. Stop, stop, encore. Stop. J'ai 20 ans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? J'ai 20 ans, où j'en suis? À la fin ou au début? Encore. J'ai eu dans l'eau, j'ai fait la manche. Pour les finances, j'ai fait la planche. Pour la rallonge, mes vieux me virent. L'armée m'appelle, c'est encore pire que la vaisselle. Je joue les folles en uniforme. J'ai bâti folle en me réforme. Je reste comme ça ou je persévère. Stop, stop, encore. Encore. Stop, stop. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? J'ai 30 ans, où j'en suis? À la fin ou au début? Stop, stop, encore. Encore. Je marche à voile ou à vapeur. Je me paye une toile ou bien une sœur. Je fais semblant ou bien j'y crois. Je fais des enfants ou bien des croix. Je fais des ronds ou bien des bulles. Je fais faux bon ou bien match nul. Je fais des galas ou des galères. Je reste comme ça ou je persévère. Stop, stop, encore. Encore. Stop, stop, encore. Encore. Stop. Demain j'aurai 150 ans. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? Demain j'aurai 150 ans. Où j'en suis? À la fin ou au début? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Stop, stop, encore. Encore. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Stop, stop, encore. Sitting all alone, watching people getting on with each other.

qui se rappelle pas de ce fameux jingle de marque de soutien-gorge? Et oui, c'était une pub populaire en 1980. Je vais vous en passer une autre petite pub un petit peu plus tard. Et on vient de terminer un bloc de trois pièces et ça a commencé avec le phénomène Plastique Bertrand et son gros succès ici comme en France, Stop ou encore, tiré de son troisième album intitulé simplement L'Album. Un album qui contenait aussi le succès Téléphone, mon bijou. Et la deuxième pièce qui avait fait le top 10 dans 5 pays et le numéro 1 ici au Canada, c'était la pièce Sexy Eyes de la formation américaine Dr. Hook, extrait de leur 9e album intitulé Sometimes You Win. Et la troisième pièce était de nul autre que Paul McCartney et un de ses centaines de hits. Et on a entendu ici Coming Up, qui avait atteint le numéro 1 au Canada, comme aux États-Unis, tiré de son troisième album solo, McCartney 2. Alors, on repart en musique. Cette fois-ci, ça sera un bloc plus mollo, tout en douceur. Et c'est reparti avec Francis Cabrel sur Playback. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. Dans mes rêves, tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Et si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Thank you. heart is in your hands, 'cause I'll be missing. babe, I love you. Babe, I love you. Chacun pour soi. Vous êtes toujours au spécial 40 ans, le best de 1980 à Playback Radio 80. On vient de terminer le bloc de ballade tout droit de l'année 1980 qui a débuté avec Francis Cabrel et sa chanson « L'encre de tes yeux » extrait de son troisième album intitulé « Fragile » sorti en mai 1980. Un album qui s'était vendu à plus d'un million d'exemplaires et cette chanson avait atteint la cinquième position du palmarès populaire en France. Et le 45 tours s'était vendu à 400 000 copies. Par la suite, on a entendu la grande Barbara Streisand et une chanson composée par Barry Gibb des Bee Gees, la chanson Woman in Love, extrait de son album Guilty, sorti en septembre 1980, son 22e album en carrière, assez incroyable. Un album qui s'était vendu à plus de 8 millions d'exemplaires et la chanson Woman in Love avait atteint le numéro 1 dans, écoutez bien, 18 pays, oui. Et le 45 tours s'était vendu à 4 millions d'exemplaires et cette pièce a été la dernière chanson de Barbara Streisand à avoir atteint le sommet des palmarès. La troisième était du groupe Styx et un de leurs classiques, Babe, tiré de leur 9e album Cornerstone, sorti en octobre 1979. Et la pièce Babe avait atteint le numéro 1 aux States en décembre 1979 et le numéro 1 au Canada en janvier 1980. Ensuite de ça, je vous ai passé Diane Tell et la magnifique « Si j'étais un homme » tirée de son album « En flèche » de 1980, une chanson écrite par Diane Tell. Et c'est avec cette pièce qu'elle s'est méritée 4 Félix au Gala de la disque l'année suivante en 1981, dont « Chanson de l'année ». Un énorme succès au Québec et en Europe, son plus gros succès en carrière. Et c'est une chanson qui est entrée au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens en 2017. Alors, on enchaîne tout de suite avec le tout dernier bloc de ce spécial 1980. Thank you. bring all your dreams alive for you. From where I stand, you are home. Ça ne prend pas. C'est lui, lui, lui. Quels sont tes projets avec lui? Je ne veux rien partager avec lui. C'est moi ou c'est lui? Lui, lui. Trop c'est trop, alors tu choisis. C'est moi ou c'est lui? Ton nom invisible, de quoi a-t-il l'air? Dans un cadre ou dans le bas, sous lui plane un mystère. Aucune importance. Si tu l'aimes, je ne vais pas m'accrocher. Sans problème, je lui cède ma place. Si tu ne peux plus te passer. Lui, lui, lui, quels sont tes projets avec lui? Je ne veux rien partager avec lui. C'est moi ou c'est lui? Lui, lui, et je t'aime. Mais il faut un ultimatum. L'idéal, c'est qu'il s'en aille. Bien, c'est moi qui pars. Ou c'est lui, lui, lui. Quels sont tes projets avec lui? Je ne veux rien partager avec lui. C'est moi ou c'est lui, lui, lui. Toi, c'est toi, alors tu choisis. Je ne veux rien partager avec lui. C'est moi ou c'est lui, lui, lui. Quels sont tes projets avec lui? Je ne veux rien partager avec lui. C'est moi ou c'est lui, lui, lui. Toi, c'est toi, alors tu choisis. Je ne veux rien partager avec lui. Mais oui, restons. Les petits princes sont bourrés. Et se remontent et sont bons, sont bons, sont bons bourrés. Oui, Gaston. Les petits princes sont bourrés. Et se remontent et sont bons, sont bons, sont bons bourrés. Oui, Gaston. Les petits princes sont bourrés. Et se remontent et sont bons, sont bons, sont bons. As-tu pris ton petit Beauvril aujourd'hui? Le tout dernier bloc de cet épisode 4 a commencé avec Stevie Wonder et la pièce Master Blaster Jammin', une chanson lancée en septembre 80 qui avait été numéro 1 dans 5 pays, tirée de son 19e album, l'excellent Hotter Than July. Ensuite, on a entendu la légendaire australienne Olivia Newton-John et son hit Magic, extrait de la trame sonore du film Xanadu, qui mettait justement en vedette Olivia Newton-John. Et le single Magic est sorti en mai 1980 et avait grimpé au numéro 1, et ce pendant un mois au Canada et aux États-Unis. On a par la suite entendu la chanson intitulée « Lui » de l'Américain Rupert Holmes, sorti en janvier 80, tiré de son 5e album « Partners in Crime », qui comportait aussi son hit « The Pina Colada Song ». Holmes avait enregistré deux versions de la chanson « Lui », une en anglais nommée « Him » et la version française que je vous ai passée. La version française tournait régulièrement sur les radios québécoises et la version anglophone avait atteint le top 10 dans 4 pays. Et c'est sur ces trois chansons que je vous quitte sur ce dernier épisode de 2020 à Playback Radio 80. Un épisode un peu long, mais très bien rempli. Et le pire, c'est que j'aurais voulu vous passer une douzaine d'autres chansons classiques sorties tout droit de l'année 1980. Et je vous remercie grandement d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Et normalement, je vous laisse toujours avec une petite dernière, mais pour cet épisode et pour finir ce spécial en beauté et cette grosse année trop dure, une année qu'on n'oubliera jamais, même si on veut bien l'oublier, donc je vous quitte sur trois autres hits de 1980. Mais juste avant, en toute bonne tradition, je vais vous souhaiter la bonne année. Vous savez, on se souhaite toujours la santé en premier, mais présentement, ce souhait est plus pertinent que jamais. Donc, je nous souhaite une excellente année, une année tellement meilleure. Faut dire que la dernière ne sera pas dure à battre, mais on le mérite tellement que les choses se replacent tranquillement, mais sûrement, de retrouver un peu plus de paix d'esprit, de stabilité, bref, un peu plus de positif. Et en parlant de positif, ben, ce qu'on peut dire, c'est que c'est avec cette année que j'ai commencé à faire ces podcasts Playback Radio 80. Je serai de retour à la mi-février pour le spécial Saint-Valentin, un spécial pour tous les couples, les amoureux et bien évidemment les amoureux des succès des années 80. Cet épisode sera parfait pour votre soirée de lovers. À ne pas manquer, ça je vous le garantis. Donc, c'est le moment de vous dire au revoir en vous quittant sur trois chansons et on entendra The SOS Band et Take Your Time, Do It Right. Juste avant, ça sera la formation The Spinners avec Working My Way Back to You. Et c'est reparti avec ceci. Et oui, comme toute bonne fête de fin d'année, avec Cool and the Gang et Celebration. Merci tout le monde, à la prochaine en 2021. I can't.